Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Impact Wessels, le podcast qui traite de la TNA cette fois. C'est pas souvent qu'on le fait parce qu'il y a forcément moins de pay-per-view de la TNA. Mais ces temps-ci, la TNA reprend un rythme de pay-per-view un peu plus soutenu qu'avant parce que là, par exemple, on va parler de Sacrifice qui avait lieu le dimanche dernier et de retour après 2 ans d'absence. Donc voilà, on est reparti pour un cycle a priori régulier. Et ceci, je vais en discuter avec vous. Bon, c'est Brousty bien sûr, parce qu'il faut que je me présente quand même parfois. Je suis avec Sébastien, le spécialiste TNA Maison Wessels. Salut Seb. Bonsoir à tous, spéciale dédicace à Renaud. Eh oui. Il Ah oui, ça c'est fameux. C'est fameux, c'est comprendra, il sûr. comprendra. Oui, c'est fameux, oui. Et puis, ben, le spécialiste TNA que vous avez eu l'occasion d'entendre, je pense, assez récemment. Un pseudo qui évoque l'actuel champion de la TNA, c'est Showtime. Salut Showtime. Bonsoir à tous. Et oui, assez content, non, de la TNA actuelle. Bon, on en reparlera plus tard, mais fin du champion actuel plutôt. Après, on verra TNA. Ah oui, ça c'est. Je crois que c'est très difficile pour d'autres personnes de comprendre ce que c'est. C'est vraiment le mec que je suis depuis mes débuts. C'est d'ailleurs la première fédé que j'ai suivie, le premier catcheur auquel j'ai accroché. Donc, c'était un sacré gros mark time quand j'ai vu le bras de l'arbitre frapper 3 fois. Ah, c'était franchement aussi inattendu que magnifique. Ah oui, bon, évidemment, on parle d'Eric Young, pour ceux qui n'avaient pas fait le rapprochement entre Showtime et Eric Young. Et ça sera notre sujet principal, je pense, vers la fin du podcast, parce que c'était le main event du show. Mais d'ici là, on va retracer la carte au fur et à mesure, et je pense au fur et à mesure, évidemment, parler un tout petit peu de la TNA actuelle, parce qu'il y a eu quelques départs et prolongation de contrat, donc c'est à voir tout ça. Donc après un petit jingle TNA, avec un petit générique TNA, on vous retrouve. Donc nous revoilà à l'Impact Zone d'Orlando. Je vais vous dire tout de suite, malheureusement. Parce que vous allez entendre énormément de critiques sur le niveau du public ce soir-là. Ça, c'est sûr que là, moi, je vais craquer assez souvent à ce niveau-là. À mon avis. Donc, devant 1400 spectateurs, mais littéralement spectateurs, j'insiste bien là-dessus. 1400 quand même. Ouais, Je c'est pensais pas pas que mal, oui. ça Mais accueillait d'habitude, c'est autant. 1000, alors je sais pas où ils les ont mis, les 400 Et autres. ils ont changé de salle en revenant au Ah oui, studio c'est vrai. Universal vu que la première a été donnée à une autre, donc ils ont une où ils peuvent mettre un peu plus de monde, mais ça sera Ouais. pas utile très souvent. Et Elle pas me beaucoup semblait plus plus de bruit, petite, hein. hein, Mais je bon. pense. On démarre avec un handicap match qui est devenu un match sans disqualification, je dirais sans grande surprise pour moi en tout cas. C'était pour les titres par équipe de la TNA, titre champion du monde par équipe, faut préciser champion du monde parce que comme ça ils peuvent les défendre dans d'autres fédérations, c'est déjà arrivé. Entre les champions au départ, c'était les Bromans Jesse et Robbie E et DJZ, et qui affrontaient les Wolves. Davey Richards et Eddie Edwards qui l'ont emporté, je dirais sans surprise, au bout de 10 minutes 14 tout de même. Une résistance des Bromans, j'aurais tendance à dire, même si, en fait, je vous dirai le ressenti après, passer au ressenti de Showtime en premier. Ben, vu qu'il n'y a plus que 2 équipes à la TNA maintenant, à cause du très très malheureux départ de la meilleure équipe qu'il y avait pour l'instant dans le catch, toute fédération confondue, Ah oui, Bad Influence, je qui parle d'ailleurs va évidemment de Bad débarquer en Influence Angleterre. Ouais. qui, Le 25 octobre voilà, prochain, il sera en Angleterre d'ailleurs. ils ont plus que 2 équipes, donc c'est un affrontement qu'on a vu assez souvent, même si c'est un 3 contre 2, ça change pas grand chose, mais ça a l'avantage d'avoir fait progresser énormément les Bromans. Si on se souvient de ce que c'était ces deux-là quand ils ont commencé dans la fédération, c'était insupportable. Là, ça passe. Bon, c'est pas excellent, mais c'est pas horrible. Je préférais que Robbie reste en team avec DJ Z parce que in-ring c'est quand même plus agréable. Mais leur petite entrée est assez drôle, je trouve. Et bon, il était temps que ça finisse, comme ça ils peuvent un peu aller se ressourcer et on aura des bons champions pour l'instant. Et la coupe de JJZ, t'adhères ou pas? Oh là là, il va pouvoir rentrer dans Ink Ink s'il continue. Eh oui, Punk violacé, oui. Le petit détail capillaire. Mais le match n'était pas trop dégueu, je trouve. Enfin, c'était un bon opener. Mais même ressenti pour Seb ou... Ouais, bon, ça c'est pas un match exceptionnel, hein, parce que j'ai vu le show il y a 2 jours et j'ai quasiment plus aucun souvenir, donc c'est assez mauvais signe quand tu te souviens plus déjà de ce match après un temps si court. Mais bon, l'objectif de ce match-là, c'était clairement de faire passer les titres aux Wolves, enfin. Non, Wolves, c'est ça, Wolves. Parce que c'est Wolf au singulier et Wolves au pluriel, voilà, petit cours d'anglais. Petit aparté d'ailleurs, que les Wolves que j'aurai la chance de pouvoir interviewer, entre guillemets, puisque je ferai partie d'une conférence call avec la TNA et donc plusieurs pays du monde. Et donc voilà, j'ai eu la chance d'y être intégré pour cette fois-ci. Donc voilà, je me la pète un peu, on va dire. Et on relaiera ça, je pense. Oui, parce qu'il y aura un audio qui sera délivré, donc on vous le sortira, ne vous inquiétez pas. Mais donc ouais, pour compléter l'analyse en tant que soi, moi les Bromans, c'est une équipe que je n'arrive pas à prendre au sérieux tout simplement. Donc c'est une bonne chose d'enlever les ceintures parce que voilà, c'est plus une équipe comédie heel qu'autre chose, et donc il fallait absolument changer les ceintures. Mais bon, malheureusement ils seront encore dans la division par équipe dans un match de championnat prochainement, puisqu'il n'y a pas d'autre équipe comme on l'a dit auparavant. Ben oui, parce que déjà de toute façon ils auront droit à leur rematch, ça c'est naturel bien sûr, mais après c'est sûr qu'on se demande bien, c'est sûr qu'à 2 équipes ça peut pas marcher longtemps, donc il y aura bien une équipe de circonstances qui va se créer, ou une équipe qui va arriver encore, laquelle? Il reste Sanada et Tigre Uno à mon avis, qui ont déjà combattu en équipe. Oui, ils avaient fait de belles choses, effectivement, oui, ce serait intéressant, ouais. Et après, ouais, je sais pas. Angle et Willow, pour les caser quelque part. Oh, je pense pas que ce sera une équipe qui va durer, hein, parce que c'est quand même deux individualités fortes. Ouais, on c'est pas d'ailleurs, ouais, c'est vrai qu'en en parlant tout à l'heure, ouais. Il y a quoi, 2 ans? Ah, c'est pas faux, mais j'ai du mal à le voir cette fois-ci. Ouais, d'autant plus que les Wolves sont face, hein, faut pas l'oublier, donc. Par contre, mais je sais pas, il pourrait tourner. Non, je sais pas, c'est pas, y a pas le spoiler, mais rien du tout. Mais il y a aussi une petite équipe composée de bière et d'argent qui me ferait plaisir, qui est bien heal pour l'instant. Ouais, c'est à voir s'ils veulent revenir, mais ça, voilà, ce serait, ouais. Je sais pas. Faut honnêtement, j'ai vu un spoiler, chose que je ne fais jamais, mais cette fois-ci, je l'ai fait, et j'ai vu qu'il y avait Mike Nock qui serait de retour avec un clan, un petit peu comme, c'est très étiré, mais c'est un petit peu comme la famille Wyatt, on va dire, de très loin. Ah oui, d'ailleurs, oui, on a une petite vidéo, là, dans le pay-per-view, ouais, où il était avec sa sœur, alors, moi, j'ai compris, petite amie au départ. Ouais, c'est sa sœur, ouais. Et c'est un truc complètement barge, hein, mais ça a l'air sympa. Ouais, c'est vrai, c'est à voir, ça c'est assez dans l'inconnu. Nux qui fait son retour, donc l'ancienne SSNS qui va faire son retour en tout cas prochainement, ouais. Après il y aura aussi l'ancien Kenneth Cameron aussi qui va débuter avec la TNA dans peu de temps aussi, donc je sais pas si ces gars-là font des équipes, ouais, ça peut faire des plus, ouais. Ah, Isitri et Spud qui peuvent encore être en tag team heel, ça peut passer. Ouais, ça peut être rigolo, oui. Déjà. C'est sûr. Ce serait un petit peu le même problème qu'on a pu déjà avoir dans le passé avec la WWE, c'est-à-dire c'est des individualités qui font équipe et c'est pas des vraies équipes, mais. Ouais, mais ces deux-là, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble aussi. Et ouais, mais c'est pour ça. Faut laisser à la TNA ce cas-là, c'est qu'elle a toujours réussi, quand on croyait que la division par équipe était morte, à mettre 2 lutteurs qui semblaient rien avoir en commun ensemble, et ça a très bien marché. On a vu ça avec Magnus et Joe, on a vu ça avec Bad Influence, qui était un peu fait le bric et le broc au départ, mais qui a très très bien marché, et qui marche encore très bien, comme ils sont devenus très très proches dans la vie réelle en plus. Donc pourquoi pas. Et présentement, là, moi, sur le match, c'est un petit peu ce qui fait un petit peu le sel des 3 premiers matchs, en tout cas de ce pay-per-view. C'est une énorme différence de niveau, évidemment, c'est sûr, comme le dit Seb, sûr que les Bromans, même s'ils ont beaucoup progressé, ils peuvent pas être pris au sérieux par rapport aux Wolves, qui sont une équipe qui ont lutté contre les meilleurs déjà à l'Air Watch, qui sont même certains déjà des figures de proue à la WWE par exemple. Donc Les Wolves sont t'as les quarts de niveau qui n'ont pas besoin de faire grand chose, même dans ce match. D'ailleurs, ils ont bien fait les choses, mais ils n'ont pas eu besoin de forcer outre mesure, parce que dès qu'ils accéléraient, forcément, y dominer, c'est obligatoire. Et le finish est bon, là, deux double stomp, c'est sûr, ça c'est ce que je retiens. Après, bon, le match, voilà, c'est sûr que il y a eu du mieux, il y a eu du pire. Oui, par rapport à ce que j'attendais, c'est sûr. Bon, en même temps, j'ai pas, enfin, c'est dans l'ensemble du pay-per-view, j'ai pas eu de grosses attentes. Mais oui, après l'enjeu, c'est un peu comme dans tout le pay-per-view aussi. Il n'y a pas de réel enjeu, c'est sûr. On le savait qu'ils allaient finir champions, donc ça c'est bien. Voilà, ça c'est bien. Après, si ça peut aiguiller vers de nouvelles bases, ouais, pourquoi pas. Ouais. C'est à voir. Bon, mais en tout cas, on va passer au prochain match, je pense, un match spécial. Si vous avez, à moins que vous avez rien à rajouter sur un match par équipe. Ouais, c'est bon. On va passer au match spécial Committed Match. Alors bon, c'est un équivalent de l'Ambulance Match entre Mr. Anderson et Samuel Shaw. Match remporté par Mr. Anderson après 10 minutes 30. Il a suffi juste après que Christy Amy ait mis un petit coup dans les roubignoles de Samuel Shaw, là, Mr. Anderson a mis le mic check, et puis on ferme la porte, et puis c'est fini, voilà. Donc Seb, qu'as-tu pensé, sachant que je pense que tu as peut-être fait référence au dernier segment qui avait précédé le pay-per-view, peut-être. Comme tu veux, hein. Que penser, hein? Moi, déjà premier point, on ne savait même pas qu'est-ce que c'était qu'un comité de match. Ça n'a jamais été expliqué, que ce soit sur la page internet ou même à la télé. Donc déjà à partir de là, on rentre déjà dans un inconnu, et c'est assez préjudiciable, je trouve, pour la compréhension du fan, tout simplement. Mais après, ouais, moi je considère ça plus comme un match segment, hein, c'est-à-dire que on s'en fiche un petit peu du résultat du match, c'est plus pour faire avancer la storyline. Parce que maintenant que Shaw a été placé dans l'ambulance, il faudra s'attendre à voir du segment avec Sam Shaw dans l'hôpital psychiatrique à Impact très prochainement. Ça, c'est sûr qu'on va y avoir le droit, surtout que, ouais, comme tu l'as dit, Bruce, avant, il y avait le segment absolument horrible dans la maison familiale de Sam Shaw avec sa mère un petit peu effrayante là. Ouais, bon, c'est tout ça, c'est un petit peu étrange, et ça ne m'a pas vraiment plu, hein. Moi aussi, bah de toute façon, j'ai pas aimé déjà le match à Lockdown. De toute façon, c'est pas vraiment un match de catch traditionnel, comme tu dis. C'est vraiment là d'ailleurs, Mr. Anderson, il faisait un peu l'entertainment. Au milieu, il a simulé une petite interview, ça c'était drôle, mais sinon, c'est vrai que c'est pas très amusant. On voit pas grand-chose de contenu, et puis ça, on a vite envie de que ça finisse en fait finalement. Et ça fait un vide total. En plus, avec la salle. C'est mon premier point public pendant l'analyse du pay-per-view. En plus, quand la salle est aussi silencieuse de bout en bout, c'est encore plus gênant. Hein. Et déjà qu'il n'y a pas grand-chose à s'enthousiasmer, au moins qu'elle a même pas réagi à ce qu'il disait Anderson. Alors forcément, c'est encore plus horrible. Donc à l'arrivée, c'est sûr, ça tarde de se finir. Et puis je suis déçu de la fin, c'est trop simplé, c'est couillon quand même. Par rapport à tout ce qu'ils avaient monté, même si c'était pas mirifique, c'est sûr. Et les segments, ouais. T'as tout dit là-dessus, mais voilà quoi. C'est pas une rivalité qui va rester dans les annales pour moi en tout cas. Je sais pas trop où ils en sont venus avec ça, où ils veulent en venir après. Sur ça, c'est pas fini évidemment, donc on verra la suite, ouais. Et Showtime, t'as pensé quoi? Ben, la story pourrait être assez intéressante, mais faut dire ce qui est, c'était assez chiant quand même. C'était beaucoup trop long pour ce que c'était. Ils auraient pu faire ça en 4-5 minutes sans aucun problème. Aucune nécessité d'en prendre plus que 10, donc bon, passons à la suite. Ouais, bon voilà. Non mais c'est bien, oui. Bon, bah, on va passer à la suite effectivement, bah, avec les différences de niveau, parce que bon, bah, c'est vrai que là, Mr. Anderson, par rapport à Samuel Shaw, là, avec tout le respect que je dois à Shaw, bah, on en voyait bien qu'il y avait une différence de niveau. Même si bon, dans ce genre de truc, les deux gars n'exploitent pas vraiment, ne montrent pas leur palette. Et dans le prochain match, il y avait une différence de niveau absolument énorme. Match par équipe, avec d'un côté Kurt Angle et Willow. Willow, c'est Jeff Hardy. Qui affrontait Ethan Carter. Ouais, j'ai pas envie de le faire à l'anglais parce que ça fait bizarre. Ethan Carter The Third contre et Rockstar Spud, forcément énorme différence de niveau. Et victoire sans surprise de Kurt Angle et Willow Jeff Hardy en 9 minutes 04 sur la Swanton Bomb, sur le pauvre Rockstar Spud, qui aussi divertissant qu'il est, et forcément n'a pas le, du tout le niveau, enfin, sur le ring, par rapport à un Kurt Angle et un Jeff Hardy, qui ont dominé le match à leurs mains comme ils pouvaient. Puis si le match a duré aussi longtemps, c'est parce qu'au début, il y a eu beaucoup de fuites du combat. Ethan Carter, c'est quand même un peu Derek Bateman au début. C'est un gars à porter assez haut à la TNA, c'est plutôt réussi, mais quand même, in-ring, c'est pas vraiment ça. Donc du coup, faut quand même équilibré par les petits tours de passe-passe à l'extérieur, et voilà, c'est ça qui fait la durée du match. Mais après, bon, on sait comment ça se finit, comment ça se déroule, donc finalement pour moi il y a aucune émotion. Ça peut se faire dans un simple impact, je dirais, à l'arrivée, donc voilà, voilà quoi. Showtime, t'as en pensé quoi? Ben, à partir du moment où Hardy avait réussi à gagner contre les deux tout seul, c'est déjà... Déjà, niveau crédibilité avant le match, c'est déjà terminé avant même de commencer. C'est pas très... le booking de Isifui pour l'instant est assez bon, je trouve. Il est pas mal, il progresse pas mal, donc peut-être le mettre contre des vétérans, ça va être bon pour son avenir. Mais le match en lui-même était quand même pas très très intéressant, quoi. Fallait bien occuper les deux vieux, un peu entraîner le rookie, mais à part ça servait pas à grand chose. Ouais, Seb, c'est emballé ou... Non, pas très emballé non plus, hein, parce que tu l'as dit avant aussi, moi je voyais ça, c'était un match d'impact, hein, c'était pas un match de pay-per-view, hein, clairement pas. Bon, la plus grosse histoire, on va dire, de ce match, c'est la rivalité entre EC3 et Kurt Angle, hein. Ça fait avancer un petit peu les choses et ça monte un petit peu la sauce avant l'affrontement qui aura certainement lieu à Slammiversary entre EC3 et Kurt Angle. Je trouve que de ce côté-là, ils ont réussi leur truc, hein, puisque ça donne encore plus un petit peu envie aux gens de voir Angle poser ses mains sur Ethan Carter. Mais bon, après, le match en soi est totalement oubliable, là encore, et il n'y a rien d'exceptionnel. Hein, mais victoire totalement logique, par contre, là, on peut rien dire. Hein. Ça aurait été un choc que l'équipe des deux genoux batte l'équipe des vétérans. Bah oui, surtout que moi, perso, je suis même pas emballé par une feud Kurt Angle et Ethan Carter. Je suis désolé. Même avec le travail qui est fait, in-ring, c'est pas possible. Il y a une énorme différence. Après, Kurt Angle joue le rôle de professeur, ça je peux l'admettre, mais est-ce que ça peut faire une feud crédible in-ring pour un pay-per-view comme son anniversaire? J'ai mes des doutes. Bon, c'est à voir d'ici un mois et demi, mais bon, quand même, j'ai mes doutes. Bon, à moins que vous partagiez des opinions différentes, mais sinon... Ouais, bon, moi, j'ai mis aussi quelques doutes, parce que c'est vrai que Ethan Carter, il n'a pas montré non plus des choses formidables dans le ring jusqu'à présent. C'est sûr qu'il est mis en avant et qu'il a un personnage intéressant, mais après, dans le ring, c'est loin d'être exceptionnel. À mon avis, justement, en travaillant avec... un vétéran comme Angle ou un gars comme Hardy, notamment en live event, il va progresser beaucoup plus rapidement et ça va être très positif. J'espère franchement que ça va être un des gars qui va être très bon pour la TNA dans les années à venir, parce qu'ils sont en train d'essayer de se reconstruire sur des gamins. Et pourquoi pas prendre Ethan Carter pour un d'entre eux. Donc ils ont plus les moyens d'avoir les grosses stars qu'ils avaient avant, ils doivent construire leurs stars, et ça passera obligatoirement par des gars qui doivent apprendre avec les vétérans qui leur restent. Donc espérons que ça marche. Bah oui, c'est l'espérance, et après, c'est vrai qu'il y a certains potentiels, tant à WWE qu'à TNA. C'est vrai qu'au départ, j'ai eu des a priori défavorables et ils m'ont surpris, et inversement, donc... Faut voir, même si le connaissant de très loin, là, Ethan Carter, forcément, pour l'instant, j'y vois pas de potentiel. Je l'ai vu tellement à NXT à l'époque, alors que, franchement, que j'ai du mal à y croire encore en lui. Même si niveau segment, il est très bon, mais là, c'est niveau in-ring qu'on l'attend un peu perdu, c'est ça le problème. Alors, on passe au prochain match? Un peu. Bon, là, ça va. Là, pour une fois, j'ai pas gueulé au niveau d'une différence de in-ring. Par contre, j'ai gueulé au niveau du public, ça, c'est sûr. C'était le dernier match de Best of Three Series Match pour le titre TNX Division entre Sanada et Tigre Uno. Sanada, le champion japonais de la Wrestle One, la fédération du Great Muta, qui avait battu un petit peu avant Lockdown Austin Aries pour avoir le titre. Et donc c'était un partout, le troisième match décisif, et il a gagné après 9 minutes 29. Et bah avant d'avoir mon analyse et mon bashing du public, petite analyse de Seb. Alors, match où on voit que les deux lutteurs se sont donnés, hein, on peut pas dire, la qualité est quand même présente, que ce soit du point de vue technique, mais après, moi j'ai trouvé que la foule a été assez molle, mais à juste titre, moi, je trouve, parce qu'on n'a pas... On n'a pas eu assez de raisons de supporter un des deux catcheurs plus que l'autre. Hein. Oui, C'est bon, encore des d'accord. catcheurs. Non, mais ça, je suis d'accord. C'est sûr qu'ils sont balardés un peu comme ça. Et puis, la X-Division, la TNA, n'y montre plus beaucoup d'intérêt depuis que ce temps. Et puis, on voit pas grand monde. D'accord, je l'admets. Mais bon, C'est pour ça que moi le public, c'est je comprends le. lamentable. Il ne peut pas permettre aux catcheurs de progresser, on le sait. Un grand public fait un grand pay-per-view, déjà. Après, bon, on en reparlera à la fin. Pour moi, ça n'est pas vraiment le sel d'un pay-per-view propre, ce show, ça, c'est sûr. Mais quand même, le public, il est lamentable. Il est là pour prendre du plaisir. Il n'est pas là pour se faire chier. On dirait qu'il se fait chier de A à Z dans tout le show. Ça m'énervait comme pas possible, ça. Quoi qu'on leur On est proposait, c'était d'accord incroyable. que Alors que ce on est milieu de show, d'accord il est que très très bon, hein, au passage. on est d'accord que le public n'est pas bon, mais il faut quand même donner des raisons au public de s'enflammer, hein, Bah ouais, et mais là justement, bah, ça peut il y être a un eu coup, par quelques prises exemple, qu'on c'est n'a pas ça. l'habitude de voir justement dans ce match que le public aurait dû apprécier beaucoup plus que ça. Bah ouais, moi je suis d'accord, voilà, c'est des Je moves. suis tout à fait d'accord. Mais ils ont apprécié les gros spots, j'ai l'impression, mais c'est tout. Si intérieur, Après, en vrai, je peux te dire. C'est. enfin, apprécié, ouais, c'est. Mais bon, à l'échelle de l'Impact Zone, ils ont apprécié, on va dire, mais bon, voilà. Parce que pour revenir sur le match lui-même, il était quand même franchement agréable, je trouve. Hein. On a eu, et même dans ce que la plupart des gens appellent la grande période de la TNA, quand il y avait vraiment des gros trucs à la X-Division, on a eu souvent des pay-per-view, on avait des très mauvais 1 contre 1 en X-Division. Et là, c'était très loin d'être le cas. Bah évidemment, c'est sûr que bon, on y fait souvent référence, mais l'époque d'Abyss, c'est sûr que c'est par exemple, c'était pas la meilleure. Elle a pas duré longtemps, mais évidemment. Après oui, c'est sûr. Après niveau talent, Sanada, c'est un grand talent, hein, y a absolument rien à dire là-dessus. Hein. Même si j'ai trouvé un peu plus emprunté qu'au match précédent, parce que ces deux précédents matchs, je les avais aussi trouvés très bons. Là, c'était plus Tigre Uno qui était mis en avant, là, à mon avis, paradoxalement, avec des prises vraiment très engagées, et ma foi, ça répondait très bien, ça vendait très bien, là, à force. Bon, après, vous me direz, c'est leur troisième match, donc à force, ils ont appris à se connaître, mais tout de même, c'est quand même pas mal, sachant qu'il y en a un qui vient directement de Lucha Libre, sans vraiment avoir traîné sur le circuit américain. Et on le sait, par exemple, avec ce qui s'est passé à WWE et Sin Cara, que c'est très compliqué pour un Mexicain de débarquer d'un coup sur le circuit comme ça américain. Et Sanada, c'est quand même un gars qui n'était pas sorti du Japon avant tout récemment justement. Donc et il fait ses preuves. C'est ça qui est intéressant. Après le match, je regrette peut-être un petit peu de longueur et le public évidemment. Le public, bordel, mais enflammez-vous, vous êtes là pour ça. Même si vous les connaissez pas les catcheurs, mais on s'en fout. Ils font du travail, respectez-le. C'est ça que j'ai envie de dire. Parce que ça après, les gars, à la fin, ils se disent, bah voilà, les gars, ils se foutent de nous. Donc, comment on peut faire plus? C'est ça qui m'énerve. Le prochain match, tu vas atteindre des sommets, franchement. Et donc, voilà. On sait bien que ce public vient gratuitement et qu'il est exposé chaque semaine aux produits, donc ça Ouais. n'aide pas, Ah, mais mais c'est bon. énervant. Mais qui déménage en Grande-Bretagne directement, ça aiderait. Ouais, c'est clair. Bah oui, ils peuvent venir à d'autres endroits, je sais pas. Après, c'est sûr qu'on le sait que aller sur la route, c'est toujours c'est un problème financier, évidemment, hein, surtout pour la TNA, faut garder les sous, faut faire gaffe évidemment aux sous, c'est évident. Pas un portefeuille énorme, énorme, énorme. Mais tout de même, c'est décevant. En plus, là, on apprend que lors des tapings là, qui ont suivi là, donc les prochains shows, les 2-3 prochains shows, ils n'ont été que 400 dans la salle, qui c'est même pas à moitié plein, c'est. Que c'est C'est gratuit, que tragique. c'est mal amené, je comprends pas. Je sais pas comment ils font pour concerner ce public. Je sais pas d'où ce public y vient. En claquette, ça c'est sûr. Ça, des petits vacanciers par-ci par-là. On a quand même une différence parce qu'on est en Floride. Bon, c'est Universal Studios, c'est surtout ça, je pense. Ils doivent choper des gens qui visitent les studios et ils leur disent, bah, vous traînez une heure et demie là ou 3 heures là, voilà. Et puis faites pas de bruit, vous regardez, et puis voilà, vous faites haut ou A si vous voulez, et puis c'est tout, voilà. Mais j'ai l'impression que c'est ça qui m'énerve en fait. Tant qu'on fait un show Hollywood, il y aura plus de bruit. Bon, voilà. Bah, désolé. Rassure-toi, il y aura quelques shows sur la route là à venir, notamment au mois d'août avec trois shows qui auront lieu à New York. Ah, mais là on va avoir chance. New York et Philadelphie, c'est là, il n'y a pas de pop là. Moi, je peux pas. Je lui dis. Mais ils ont même pas pris la grande salle à New York, ils ont pris la petite. Oui. Ah oui, c'est la salle qui a tenu les premiers Raw en fait en 1993. Donc c'est une salle historique. Donc ouais. Mais c'est bien, hein, une plus petite salle pour attirer, c'est mieux parce que ça, en plus, celle du tout premier Raw, ça, c'est quand même une ambiance qui porte bien quand même, cette salle. Ouais, le public assez proche, j'espère que ça va faire beaucoup de bruit, que ça va être un bon succès, qu'ils aient envie d'y rester. Bah, qu'ils s'installent définitivement dans cette ville. Bah ouais, parce que par exemple, il y a eu un Why Not Only qui a été enregistré à, du côté de New York et Pouk Pixie là avec la fédération de grâce à Tommy Dreamer qui gère Love Soft Hardcore, donc il y a un petit partenariat officieux quoi. Ils avaient fait un pay-per-view When Not Only Hardcore Justice qui avait très bien marché. Tout le monde le public était déjà très très bon. Le public était très bon donc il y a aussi ça. Et puis Philadelphie, bon c'est un peu une corde affective qui parle parce que j'adore cette ville moi, mais c'est quand même un public qui adore le catch, donc normalement tu lui donnes du bon, il réagit, il y a pas de souci. Et en plus oui voilà, c'est ECW évidemment. Donc non mais il y a pas de souci, au moins là les choix faits par Atiené d'aller à New York et à Philadelphie cet été, j'applaudis, c'est bien, ça peut nous faire une bonne road to Bonne for Glory, même si je m'y prends un petit peu en avance, je crois. Mais je m'enflamme un petit peu. On peut rêver. Mais voilà, pourquoi pas, parce que bon, c'est sûr, ils peuvent pas être en Angleterre toute l'année. C'est une fédé américaine, donc ça on le sait. Évidemment. Donc là, c'est bien, au moins. Allez, des raisons de se réjouir, parce que à passer au prochain match. Bon, là, j'ai fait mon bashing du public, mais là aussi au prochain match. Parce que le public, il m'a énervé. Tu lui montres un engagement énorme, du sang, des gars qui se défoncent, une histoire dans le ring, des gars qui sont connus et ils disent rien. Ça m'énerve. Bon, bref, on va passer à Like Quit match entre Gunner et James Storm, remporté par Gunner après 18 minutes 50, le match le plus long du show et le meilleur match du show. Que je détaillerai un petit peu après, non sans avoir laissé Showtime d'abord parler à mon avis de ce grand match qui a dû te plaire. Ah bah oui, si vous vous souvenez bien déjà à Lockdown, le Gunner contre James Storm, c'était un de mes matchs de la soirée. Et cette fois-ci, ça a pas déçu du tout. C'était un très bon match. C'est vraiment malheureux, comme tu l'as dit, que le public, c'était vraiment de la merde. Mais hors de ça, c'était vraiment agréable. Gunner, il a fait des progrès incroyables depuis, si vous vous souvenez bien, quand il était bodyguard d'Angle, au départ, si je me souviens bien, avec Murphy. Ah, ça oui. Date. Ouf. Oui, oula, effectivement, oui. Oula, là, tu remontes. Effectivement, oui. Waouh, la genèse. Mais c'est vrai qu'il a montré des progrès énormes depuis, oui. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, ils ont besoin de nouveaux, ils ont besoin de jeunes. Et lui, ça, à mon avis, lui et Magnus, ça va être les figures de proue des années à venir, si la tienne est survie. Croisons les doigts. Oui. Et avec d'autres, on peut espérer quand même. Rick Young, pourquoi pas, même s'il a un âge relativement avancé, mais quand même. Et sinon, sur le match, alors, des spots qui t'ont marqué ou... Ben, ils ont gardé le thème de la dernière fois avec les chaises et la barrière de sécurité, donc c'était pas mal. Et c'était assez original, le finish avec la glace. Je sais pas si vous l'avez déjà vu quelque part, ça, moi, perso, j'ai encore jamais vu ça, donc c'était assez surprenant, bien amené. C'était très violent comme match, et pour une rivalité aussi intense et qui dure depuis aussi longtemps, fallait bien ça. Donc ça va probablement se finir avec un gros gros gros gros match à Slammy, où c'est déjà fini maintenant, donc faudra voir les prochains épisodes d'Impact pour voir. Ah oui, c'était vraiment bon. Ouais. Ah mais qu'il est bon ce James Storm quand même. Oh la vache. C'est vrai que Gunner là aussi évidemment. Mais alors là il a un très bon prof. Hein. C'est vrai que Déjà que Gunner augmente au fur et à mesure évidemment son niveau, mais alors James Storm évidemment c'est le gars parfait pour travailler, surtout dans des matchs intenses, parce que sachant que il y a 2 ans par exemple, il s'est beaucoup, ou même l'année dernière, il s'est beaucoup foutu sur la gueule avec des gros matchs contre Bobby Roode et qui donnait pas mal de sang aussi pareil, donc il s'y connaît niveau intensité le bonhomme, et donc c'est vraiment un taulier de la fédération. Alors lui c'est sûr tu le mets tu me le fasses à un gars qu'il faut façonner, bah il n'y a pas de problème, hein. C'est limite le passeport vers le main event, je dirais. Donc c'est entre guillemets celui qui a permis d'ailleurs à Bobby Roode d'être propulsé dans main event, hein. Donc comme quoi, même entre potes, c'est quand même un gars qui réussit très très bien déjà à faire briller celui qui est en face. Et c'est le cas avec Gunner, hein, qui résiste beaucoup là au début, qui saigne abondamment déjà de la figure et tout ça. Et vraiment, il n'y a aucune fausse note, hein, alors que y a quand même beaucoup d'objets qui entrent en jeu et il y a une continuité. Le temps passe vite et à l'arrivée, ouais, effectivement, le truc du verre, là, il arrive d'un coup. C'est vrai que c'est surprenant quand même. Ouais, effectivement. Ouais. Bah, il faut toujours une bonne raison de dire I quit, hein, ça c'est évident, hein, mais c'est sûr. Oui, non, mais c'est bien amené tout ça, honnêtement. Hein. C'est vrai que la I quit match. Enfin, par le passé, surtout par rapport à AEW, parce qu'on en voit très très peu à la TNA, c'est déjà arrivé à TNA, mais on en voit très peu quand même. AEW, par le passé, j'en ai vu pas mal, et la majorité, je les voyais moins bien construits, mais c'est peut-être aussi parce qu'il y avait évidemment cette volonté à AEW, on le sait, qui ne veut pas de sang, alors que là, force depuis pas mal d'années, donc du coup, forcément, là, il y a eu du sang, et je dis pas que le sang est impératif, mais dans ce cas-là, où il faut pousser l'adversaire à bout pour lui faire dire I quit. C'est quand même entre guillemets un peu impératif. Ou alors il faut une menace énorme pour qu'il dise I quit, parce que c'est vrai que James Storm n'a pas saigné, je crois, ou alors j'ai du mal voir, mais Bah, il voilà. saignait un peu sur la fin, je crois. Ah ouais, peut-être. J'ai pas grillé bizarrement. Bon, moi j'ai vu le Il y paper. avait tellement de sang partout, c'est possible que ça soit juste des éclaboussures. Oui, peut-être qu'il en a ramassé un peu de Gunner. Oui, c'est possible aussi. Oui, ouais, tout ce que Gunner a mis, oui effectivement, oui aussi, ouais. Et sinon, ouais, voilà, niveau spot, le passage au début là à l'extérieur était très bien fait là avec les marches, les duels aussi à un moment avec les couverts de poubelle aussi était bon. L'utilisation des chaises aussi. La fin, c'est vrai que c'est un peu le même spot qu'à Lockdown avec la barrière de sécurité là placée entre les deux chaises et la superplexe. Et vraiment, ça marche très bien toujours. Ça, y a pas de souci à revoir ce move. Donc, moi, je valide ce match-là, honnêtement, dans un pay-per-view avec très peu de sel. Là, franchement, ce match, y a pas à dire, est à noter. Et puis, il s'impose déjà dans les matchs de l'année, la tienne, à mon avis. T'en penses quoi, Seb? Ouais, moi j'ai vraiment apprécié ce match, hein. Ce qui est aussi plaisant avec ce genre de match dans l'alternative TNA par rapport à la WWE, c'est que on peut avoir du sang et des matchs vraiment violents. Ça manque dans la fédération de la WWE, donc c'est sympa de pouvoir assister à ça. C'est un petit plus qu'on n'a plus ailleurs et c'est toujours agréable parce que en général dans ces matchs-là, on n'a pas le temps de s'ennuyer, hein. C'est vraiment du début à la fin de l'action et c'est assez impressionnant. Et ce soir-là, ça a encore fonctionné avec deux gars qui se sont vraiment donnés à fond, une belle intensité dans ce match. Malheureusement, ouais, là, je peux blâmer le public sur ce coup-là parce qu'il n'a pas réagi à un spectacle qui était de qualité. Et c'est assez décevant, hein. J'aurais aimé que ce match se passe devant une foule peut-être plus réceptive. Ça aurait encore rendu un aspect encore meilleur à ce match, mais bon. On ne peut pas refaire l'histoire de l'Impact Zone qu'on a déjà fait tout à l'heure. Moi, la fin, au début, je m'attendais à ce qu'il y ait le père de Gunner qui soit impliqué. Comme ça, genre, James Storm va attaquer le père de Gunner et Gunner dit I quit pour empêcher cette attaque. Ça aurait permis à la feud de durer un peu plus. Bon, là, ça semble être la fin de la fin. Hein. Je vois pas ce qu'on peut faire de plus au niveau de l'intensité. Et après, moi, je décernerai encore la palme des deux meilleurs matchs pour l'instant en 2014 et la TNA au match entre Gunner et Storm à Lockdown et ce match-là. J'en ai pas d'autre en tête qui me vient. Donc, Moi j'en ai un autre, mais je lui concerne Eric Young. Ah bon? Ouais, bah écoute, le Monster Ball contre Abyss c'était vraiment très bon à Impact. Donc pour moi j'ai très apprécié ce match-là. Donc je le mets. Parce que si vous vous souvenez peut-être pas, mais moi à Lockdown j'étais bizarrement moins emballé. par le match entre Gunner et James. Enfin, j'étais content du match, mais j'en étais pas à me dire superbe match, régalade, souvenir. Non, non. Alors que là, c'est les mots qui me viennent à l'esprit, c'est un match dont on se souvient. Et après, je suis d'accord avec toi, Seth, c'est vrai que un I Quit match, c'est vrai que c'est la stipule qui finit une rivalité. C'est parce que quelqu'un qui se relève après d'un I Quit, c'est très compliqué. Et un I Quit, c'est très majoritairement remporté par un top face. Donc, oui. On le sait que c'est le match John Cena à la WWE, par exemple, qui le gagne systématiquement, bien sûr. Et à la TNA, on le sait que c'était AJ Styles qui le gagnait tout le temps aussi systématiquement. Là, je rebondis sur ce que tu disais Showtime au début. C'est vrai que Gunner est vraiment choisi comme un top face. Déjà qu'il y en a assez peu, c'est sûr, des main eventer face, et ben voilà hein, qui s'impose là. Qui à mon avis, il a eu un match contre Magnus déjà pour le titre, c'est à partir de là que la feud a commencé contre Storm. Il va pas tarder à y revenir à un moment donné, une fois que Ricky Hong aura perdu le titre, j'imagine. Donc après c'est Adversary par exemple, donc on verra. Bon, on va passer par ma partie. Alors là, ma deuxième partie critique. Alors c'est le match pour le titre. Des knockouts. John Cena n'a jamais perdu. Voilà, c'était ma petite précision. Et Gunner, je pense, ne perdra jamais un I Quit match. Et sachant que c'est le soldat, le ah, tu t'engages. Il est voué à ne jamais perdre ce genre de match. Voilà. Le Marine d'ailleurs, c'est vrai, ça fait un lien à John Cena. Bordel. Je lui souhaite quand même un petit à John Cena quand même. Ça serait... Ils vont encore dire qu'ils ont tout copié à la WWE. Eh ouais, ouais, ouais. Ah, il est américain, il est gentil. Ça, c'est une copie de John Cena. Ouh là là, jamais rien d'original chez eux. Bah, c'est ce qui peut être malheureux, oui, c'est sûr. Mais bon, enfin. Bon, ben, on verra. Au Main Event, j'aurai une petite remarque à ce sujet, d'ailleurs. Peut-être même un petit peu avant, en fait. Mais alors, on a le titre, les knockouts qui étaient en jeu. Bon, c'est pas non plus le gros morceau du show. Mais ça a mobilisé une tonne de segments, là, depuis le retour d'Angelina Love, donc depuis un bon mois maintenant, qui avait reformé les Beautiful People à Velvet Sky, et qui affrontait la championne Madison Rain. Et bon, bah, je dirais sans grande surprise, Angelina Love crée l'histoire en devenant pour la sixième fois championne des knockouts après 8 minutes 08. Alors, sixième titre, bah, c'est la seule maintenant de tenir 6 fois, devant Tara et Madison Rain, justement, qui en avait détenu 5. Donc, voilà, moi, c'est surtout la fin que je critique, et puis, Angelina Love, elle a pas besoin d'en faire grand chose sur le ring. Déjà que je n'ai jamais trouvé un grand niveau in-ring. Mais là, franchement, depuis son retour, elle a besoin de strictement rien faire. C'est sûr que son retour pourrait être comparé à celui de Gail Kim, évidemment, qui était revenu et qui a son premier match en pay-per-view, c'était un pari aussi du titre. C'est vrai que là, il y a un truc voisin. Mais il y a les circonstances qui sont un peu chiantes parce que Angelina Love s'est absentée pendant 2 ans, c'est différent. Elle est revenue récemment dans le circuit, même s'il y a catché sur le circuit indépendant, mais de manière assez épurée, je dirais. Du coup, elle a rien eu besoin de fournir. Pour une fois, Madison Rayne, j'ai trouvé correct. Elle s'est donnée, je trouve. Donc, bon, ben, évidemment, elle savait qu'elle allait perdre le titre. Mais c'est surtout la fin, là, évidemment. Bon, ça, faut vraiment être amnésique, parce que quand on a regardé la TNA de 2007, 2008, grosso modo, jusqu'à 2010, 2011, on sait très bien comment se finissent la majorité des matchs avec Angelina Love et Vesky. C'est que l'une aguiche celle qui accompagne, aguiche toujours l'arbitre et met un coup d'esprit à la gueule de l'adversaire. Donc c'est comme ça que ça se finit et je trouve assez regrettable, même si c'est attendu. Mais évidemment, là, bon, bah, j'en veux pour une fois pas au public de pas faire de pop. Ouf, remarquable, pour une fois. Seb, t'as pensé quoi? Ah, c'était très attendu cette victoire, dans le sens où c'était on s'y attendait, hein, quoi. Je veux dire, à chaque fois qu'il y a un retour, comme tu l'as mentionné avant, on déroule le tapis rouge et on donne le titre au catcheur qui fait son retour, hein. C'était le cas de Gail Kim, comme tu l'as dit, et c'était également le cas de Madison Rain qui avait récupéré très rapidement la ceinture après avoir accouché. Après, c'est vrai. Alors, on peut espérer que Taryn Terrell, à son retour prochain, se devine enfin, hein. Ouais, certainement, ouais. Et donc ouais, bon, le match en soi était pas dégueulasse non plus, mais bon, c'était pas du 5 étoiles, quoi, hein. Voilà, Madison Rayne, moi je l'ai toujours défendu. Je trouve qu'elle est pas si mauvaise que qu'on peut le lire ici et là. Mais c'est vrai que depuis qu'elle est devenue championne, je trouve que paradoxalement, elle a perdu en niveau. Enfin, c'est depuis son retour de grossesse, en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus et elle n'est plus aussi talentueuse qu'elle a pu l'être dans le passé. Après, ouais, bon, les fins des Beautiful People, c'est surtout une intervention de Velvet Sky, puis la victoire un petit peu cheap de Angelina Love, hein, ça c'est un classique. On va certainement y avoir le droit encore dans le futur. Mais bon, pas de surprise de ce côté-là, hein, la nouvelle championne était attendue. Ben ouais, Showtime, t'attends le retour aussi de Cute Keep, alias Billy Gunn. Ah ben, vu que le Shield vient d'un petit peu le tuer quand même, donc on devrait pas le voir de trop tôt, mais ouais, c'est quand même une grosse impression de déjà vu sur ce match, parce que on l'a vu tellement souvent faire exactement la même chose. Enfin bon, maintenant c'est la plus douée des trois qui a le titre, donc espérons qu'on puisse avoir des matchs corrects, j'y arriverai, contre les quelques faces qui restent à la fédération, il y en a plus beaucoup. Gail Kim. Brooke est en vacances pour l'instant. Kim est heel, donc il reste ODB. Non, mais Gail Kim, honnêtement, ces temps-ci, elle est dans un truc, justement. Moi, j'ai tendance à y croire que, de toute façon, elle tourne toujours très souvent autour du titre, Gail Kim, et puis en même temps, elle a du mérite, hein, parce que, mais justement, elle pourrait balancer là vers le côté face, et puis concurrencer Angelina Love, parce qu'on l'a vu lors de l'impact précédent. Bon, ça n'a pas eu beaucoup d'effet, mais elle avait fait dans les vestiaires, elle avait dit qu'elle voulait empêcher justement Angelina Love de s'accaparer la division de knockout. Donc, moi, je prends en considération ça. Et surtout on peut aussi avoir un retour de Winter à un moment ou un autre. Ouf. Ça, je pense pas. Honnêtement, puisque ça avait donné précédemment, mais non. Mais par contre, il y a certainement un turn à prévoir de la part de Brittany, hein, qui va certainement rejoindre les Beautiful People dans les prochains temps. Enfin, c'est bien parti au vu des stories qui sont développées actuellement. Et ouais, ça ferait une phase qui passerait en heel encore. Mais c'est pour ça que j'aimerais bien avoir ODB en tant que championne, en même temps que Young. Ça pourrait faire un clin d'œil sympa, vu qu'ils sont mariés, in kayfabe. Bah, le jour où Brie Bella va gagner le titre des Divas, ODB va gagner le titre. Oui, oui, en plus, c'est vrai, j'ai tendance à dire ça, oui. Ouais. Non, mais c'est ça qui est dérangeant, oui, c'est que c'est possible. Si ça arrive, c'est que vraiment, il y aura eu le parallèle à la WWE, malheureusement. Mais bon. Et s'ils le font en premier à la TNA? Ah, oh, bah, là, ils ont des guts, mais voilà. Pour pas dire la traduction en français, évidemment. Soyons polis. Des couilles, voilà. Mais bon, voilà. De toute façon, là, il n'y avait pas dans ce match. Bref, à part celui de l'arbitre qui, ouais. Bon, bref. On passe à la suite avec le même arbitre. Il s'est fait remarquer ce soir-là. Ouais, c'est ça. Il a ça, fait ce fameux Brian. Sacrée mauvaise soirée, lui. Oui, cette fois-ci, on ne parle pas d'un Hemner, ni Hemner fils, ni Hemner père. On parle de Brian Stifler, qui était l'arbitre dans ce match pour le titre des Knockouts et qui était l'arbitre du Tables Match. Avec ouais, Seb qui a fait la remarque l'autre jour. Là, je lui ai fait la remarque tout à l'heure. Donc, ça opposait Bully Ray à Bobby Roode après donc 13 minutes 42. Bobby Roode avec la barbue Dixie Carter a gagné après 13 minutes 42. Victoire ultra cheap. Il y a des choses à dire vis-à-vis de la fin du match. Après un match agréable, bon, le public toujours pareil, malgré que Bully Ray les motive, rien à faire, s'en foutent, ça chante même d'Yvonne, donc voilà, pas d'accord, ok, allez vous coucher, j'aurais envie de dire au public encore une fois, mais voilà, comment un booking à la Vince Russo de retour à la TNA peut gâcher un match agréable, je trouve, la clé est là, surtout quand c'est très très mal exécuté. Ben Seb, voyons, qu'as-tu ressenti? Allez, ce joli rêve bump. Ouais, le fameux rêve bump. Hein, moi, je pense que c'est tout simplement le pire de l'histoire. Parce que Bully Ray, en fait, a pris Bobby Roode dans la position du powerbomb. Et les jambes de Bobby Roode devaient finir dans le visage de l'arbitre, en quelque sorte. Et on a clairement vu que les jambes n'ont absolument pas touché l'arbitre. Il y a vraiment un gros trou d'un mètre entre les jambes de Roud et l'arbitre. Et l'arbitre qui commence à tituber et qui s'effondre sans aucune raison. Simulation en ainsi, carton jaune, c'est tout. Enfin, j'ai mis un gif sur le forum de Wrestles, là. Vous pouvez le voir si jamais vous ne l'avez pas vu, mais c'est assez terrible ce ref bump. Hein. Moi, je crois que j'ai jamais vu pire. Et après, bien sûr, la suite qui est également assez dégueulasse, hein, c'est l'intervention d'un homme barbu. Au début, on ne sait pas qui c'est. Hein, ça, on va leur attribuer ce mérite-là. On va leur attribuer ce mérite. Hein, moi, je ne l'ai pas vu venir. Après, je ne savais même pas qui c'était dans les premiers instants. Après, j'ai réalisé que c'était Dixie Carter. Mais c'est vrai que qu'est-ce qu'ils sont allés nous chercher comme histoire. Moi, je sais pas à quel moment il y a un type dans la salle de booking qui a dit ça, c'est une bonne idée, on va le faire. Et il y a enfin, ouais, bref, ça, elle-même qui a validé ça. Ouais, c'est vrai que. Ensuite, t'imagines que t'as Vince Russo qui a sorti ça, donc. Ouais, c'est vrai que si on raisonne comme ça, c'est un peu plus compréhensible. Mais ouais, mais c'est dommage parce que le match était vraiment pas mauvais, hein, pour un match en table. C'était très honnête, mais c'est fin de match, encore une fois, qui gâche absolument tout et. C'est un mal récurrent à la TNA, malheureusement. Alors, Showtime, tu préfères Dixie avec la barbe ou ça? Ni l'un ni l'autre. Mais c'est pas vraiment le finish qui a dérangé, parce que l'idée elle-même était pas trop mauvaise. C'était même tout à fait logique. Dixie devait se venger vu que Bully l'a trahi. Et elle était camouflée en tant qu'assistant caméraman, donc elle avait les mêmes vêtements, elle jouait avec les câbles pour qu'ils ne se prennent pas les pieds dedans, donc c'était bien amené. Mais à partir du moment où la ref pump est tellement ratée, il n'y a plus moyen d'avoir aucune crédibilité dans ce match, donc même, et la poussée de Dixie qui est quand même très molle, même si elle casse deux côtes à Bully Ray sur le coup, la crédibilité est vite partie, donc c'était un peu triste, c'était un peu dommage. Sur le coup, si c'était à faire sortir fort Bobby Roode, là, de toute façon, Bobby Roode n'a rien à voir là-dedans, hein, c'est la victoire de Dixie. Donc, c'est ça qui est malheureux. Pour Bobby Roode, je dirais, parce que voilà. Finalement, mais Bobby Roode est quand même pas booké comme très faible pour l'instant. Ah oui, effectivement, oui, c'est le gars qui n'y arrive pas quand il est seul contre Bully Ray, qui doit se faire aider par Dixie. Donc, waouh. C'est triste quand même, je trouve. Voilà. Enfin bref. Oui, non, mais c'est vrai que ouais, tu l'as dit. Ouais, c'est vrai que Ray, il a laissé quand même les côtes. Forcément, quand tu tombes à travers des tables, tu fais jamais semblant. Hein. Ceux qui disent que le catch est du fake, j'aimerais bien les y voir. Donc forcément, alors on le voit, c'est une illustration. Malgré que si, on voit de notre côté quand même l'arbitre qui fait un fake. Oui, ça c'est sûr. Mais voilà. Non, mais c'est l'obsession de Dixie pour les barbes, ça, franchement. Elle date de WrestleMania, bizarrement. Et bon, on va y venir après la main event, mais ouais, non, mais c'est vrai que, franchement, oh là là, mon dieu. Mais c'est trop long, en plus, après match, elle reste penchée longtemps, longtemps, longtemps. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'appelle si ça avait été beaucoup plus court, ça aurait été beaucoup mieux, à mon avis. Je vais pas dire ça, mais ouais. Bon, on va passer à quelques petites réjouissances, je pense, avec le main event. Match pour le titre, le champion du monde poids lourd de la TNA entre Showtime, Eric Young et Magnus. Et le nouveau champion, donc depuis deux semaines, là, Eric Young l'a emporté après 15 minutes 50. Une victoire entre guillemets, je dirais, pardon. Hein. Showtime, là, Randy Savage ou CM Punk parfois avec la descente du coude. Ça c'est quand même complètement ridicule de dire que c'est CM Punk. Hein. Oui, moi je dirais plutôt Randy Savage. Parce que c'est quand même un move qu'il a dans son moveset depuis qu'il a débuté à la TNA. Ah oui, ça, il a depuis quelques temps. C'est avant ça. Même non, que je Punk dis, je mette ses pieds devant une caméra. Non, mais je dis ça pour déconner. Non, je dis ça, c'est parce que Punk, je l'ai déjà vu finir le match sur ça, en fait, c'est pour ça. Moi, par exemple, j'adore Okada, qui est passé par la TNA, qui le fait aussi, et il finit jamais ses matchs comme ça. Et d'ailleurs, Eric Young, il ne finit jamais ses matchs comme ça aussi, d'habitude. Ah si, il a quand même fini le match à Lockdown l'an passé comme ça aussi. Oh, oups. Bon. Le Little Lockdown qui gagne en faisant une descente de coups depuis le sommet de la cage. Ah. Et il a gagné plusieurs matchs depuis comme ça, donc. Oh, j'ai rien dit. C'est un move qu'il utilise souvent. Après, dans donc ce cas. Oui, il a ressorti beaucoup plus souvent au décès du Macho Man. Voilà. Bah dans ce cas-là, tu l'évalues comment la descente du coude? Parce que justement, comme il y en a tellement qui le font, en général, on a tendance à l'évaluer. Bof. Voilà. C'est pas son meilleur move, hein, mais. Non, ça malheureusement le compare à CM Punk parce que CM Punk est connu pour mal l'exécuter aussi, donc c'est pour ça. Mais globalement, il a le gros avantage d'être très versatile dans son moveset. C'est assez imprévisible. Il l'utilisera jamais dans deux matchs qui se suivent deux fois exactement le moveset, contrairement à beaucoup d'autres catcheurs. Ah oui, parce que. Par exemple, si on compare simplement avec sa défense de titre contre Abyss la semaine avant, c'était deux mondes complètement différents. Ah oui, et puis contre Magnus, il avait mis le pile driver, donc ouais. Et il a enfin ressorti son, je sais, son Youngblood Knackbreaker, le Wheelbarrow Knackbreaker, qu'il a plus sorti depuis un bon moment, qui était son finisher pendant des années. Donc ça m'a fait plaisir. Si vous voyez ce que c'est comme move, c'est quand il lève, il prend les deux jambes de son adversaire, il le balance en l'air et il finit par un neckbreaker. Ah oui, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est. Ah oui, ça c'est beau. Mais ça s'est posé là, ouais. Parce que c'était quand même le main event du show, il fallait en faire plus, ouais. Ouais, il a plus sorti depuis longtemps, donc ça a fait plaisir. Mais j'étais très content que ça soit un match assez clean. Enfin, c'était complètement clean, justement. J'ai peur parce qu'il y avait des gros risques d'overbooking là-dedans. Ils ont préféré faire leur petit coup d'overbooking sur le match précédent, donc c'est tant mieux. Oui. Ça établit un champion assez correct, et il était temps. Mais c'est vrai, ouais, je sais. Seb avait évoqué l'éventualité que, effectivement, Magnus ne perde pas de façon clean, et je me rappelle, et que ça mène à un match à 3 avec Abyss à son anniversaire, ce qui reste tout à fait possible. Non, bah non, c'est une connerie. Je sais qu'Eric, on va affronter à son anniversaire, ça n'a rien à voir. Bah, il reste encore quelques matchs qui sont pas encore, il reste quelques impacts qui sont pas enregistrés avant son anniversaire, donc, même ouais. Si t'as vu des spoilers, si, rien n'est certain. Je sais qu'il va affronter à son anniversaire, ça n'a rien à voir. Et ça va. Moi, je le sais. Bah ouais, Seb, t'as vu tous les spoilers pour une fois, donc forcément. Hein. Mais en quelques-uns, bon. Pas tous quand même. Mais bon, pour le respect des auditeurs, malheureusement, on peut pas trop le dire. Hein. Enfin, je sais pas, mais bon, voilà. C'est gonflé, c'est moi qui dis ça, tu sais, mais... je vais le mettre les spoilers. Un indice Non, on va pas dire. Non, c'est trop facile. Bon, disons, c'est mais un même catcheur. Ce qui s'est passé dans les spoilers n'est pas encore sûr. Hein. C'est un catcheur, voilà. Indice. Bon, sinon, alors, Seb, alors, champion moi, par but. Mon point de vue, ouais, c'est que c'est un match très propre hein, pour finir un pay-per-view. Ça fait toujours du bien, particulièrement à la TNA, parce qu'on a l'habitude de l'overbooking, mais c'était peut-être un peu trop propre, parce que y a rien qui saute non plus aux yeux dans ce match et qui ressort vraiment. Bon, c'est un match de qualité, on va pas dire le contraire, mais bon, c'est pas non plus exceptionnel. On se souviendra pas dans 3-4 semaines, ce sera déjà oublié. Après, ouais, moi je suis soulagé quand même que ce soit Eric Young qui ait conservé la ceinture, parce que j'avais quand même un petit doute. Hein, je me suis dit, ils vont quand même pas faire perdre le titre à EY deux semaines après. À Magnus, ça a été une possibilité, ça m'aurait pas non plus choqué. Mais au moins ça a été fait, ils ont gardé le titre avec EY et je suis assez curieux de voir comment ils vont gérer son règne dans le futur, parce qu'il y a quand même un petit peu de boulot à faire, parce que c'était encore un mec de la comédie il y a 2 mois, ouais, c'est et ça. Il était encore occupé très longtemps avec Abyss et Joseph Park, donc il faut se détacher un petit peu de cette image et le construire comme un champion crédible, et donc il y a beaucoup de boulot à faire et j'attends de voir comment ils vont gérer ça. Ben c'est ouais. Pour ça qu'il... L'histoire est très belle, hein, mais le problème, c'est que l'histoire, elle est surtout venue de WrestleMania. Absolument. Ça me merde, pas. Ça. Mais bon. Ah, Olivier n'est pas d'accord. Ah, voyons. Ah oui. Alors là, ben, j'aime bien, moi, les avis contraires. Alors. Ouais, c'est... Ok, ils ont tous les deux une barbe, mais ça s'arrête là. Hein. C'est... Ah, mais Dixie a une obsession, parce que si tu te rappelles le segment, elle avait dit, la barbe, ouais. C'est moi qui l'ai faite, et moi, là, là, là. Bah oui, mais c'était justement en réponse au fait que les gens très malins de l'IVC, l'IWC, excusez-moi, est sorti tout de suite, ah oui, c'est exactement la même chose, alors elle a dit, non, la barbe, il l'a depuis tellement longtemps, c'est moi qui l'ai créé, blablabla, il fallait bien écouter son segment, elle se moquait un peu de toi, justement, dans ce cas-ci. Ouais, mais non. Ce qu'elle fait, c'est souvent. Le problème, c'est que Dixie, je ne la prends pas au sérieux. parce qu'elle a tellement pompé sur la WWE qu'elle pompe tellement encore sur la WWE que ça me gêne un petit peu. C'est pour ça. Et je peux pas empêcher de penser que la suite, je suis absolument pas d'accord, c'est la même histoire. Il y a des promos qui ont été dites, notamment dans le Before the Bell, qui est diffusé sur le site internet de la TNA, et qui sont vraiment très similaires à ceux de Brian. Je pense notamment à des paroles qui disaient que Eric Young était un petit peu dos au mur, tout le monde lui disait qu'il n'arriverait jamais en tant que champion du monde. Ouais, mais ça, petit, c'est l'histoire même du face qui est un peu underdog. Non, mais c'est ça qui est marrant, c'est qu'à l'arrivée, on essaie de faire croire qu'il affrontait l'Authority, mais faut pas s'inquiéter, il va l'affronter l'Authority, justement. C'est ça qui m'emmerde. Il y a quand même quelques parallèles qui sont un petit peu troublants. Ouais. C'est spoilé, c'est inversé. C'est timing, surtout moi, qui me gêne, parce que c'est ben voilà, moi aussi, oui. Pourquoi il l'aurait... Ouais, le timing est pas bon, mais... Pourquoi ils l'ont pas fait? C'est un truc qui a été vu très très souvent, parce que c'était le premier épisode en live qu'ils ont fait depuis plus d'un mois, et qu'ils voulaient pas le faire plus tôt, parce qu'il fallait quand même que Magnus ait plus que 20 jours de règne. Mais c'est vrai que le timing était pas excellent. S'il faisait ça à une autre période de l'année, personne ne disait rien. Parce que c'est une histoire qu'on a vue et revue partout, dans toutes les fédés et de tous les temps. Eh oui, c'est pour ça que ça me gêne, parce que ça intervient dans un contexte où, voilà, Eric Young a été propulsé sur devant de la scène. C'est mérité, il n'y a rien à dire, mais trop vite. Hein. C'est pour ça. Et c'est là que je trouve son grand mérite, quand même. Même si c'est pas le dernier des perdreaux, il a 34 ans, il a de l'expérience, évidemment. Mais tout de même, quand même, se faire être ballardé comme ça sur devant de la scène, faire deux matchs pour avoir le titre, ou ça, pardon, ça rappelle quelqu'un, le même soir, ben là il a tenu ce pari. Le gauntlet match, il était très bon. Le match contre Magnus qui avait suivi était très bon, c'était le même soir. Il a défendu son titre contre Abyss dans un très bon match aussi. Ses capacités dans les segments, il a déjà démontré qu'il peut faire différents personnages, y a pas de souci. Donc voilà. Après, niveau champion, ça lui fout une pression, parce que quand t'es champion de la TNA, je dis chapeau, parce que je doute encore, pardon, hein, je vais t'énerver, mais je doute encore qu'il ait les épaules, mais en même temps, je vais pondérer mon truc. J'en vois très peu dans cette fédération qui aurait plus les épaules que lui, donc autant dire que ça me gêne pas finalement. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Et le match finalement, le booking était propre, pas d'un main event, d'un grand pay-per-view, mais bon, ça tenait la route, il y a pas de. Ouais, et puis il y aura encore à s'énerver à Saint-Versary, vu qu'on connaît le main event, donc forcément. Ah mais je suis persuadé qu'il va encore changer le main event. On espère. Mais bon, ne spoilons pas les auditeurs qui l'ont pas encore. Eh oui, effectivement. De toute façon, les shows ne sont pas encore disputés. Déjà, Kerry Kyung va défendre là. Bon, ben là, on est le jeudi, donc là, cette nuit, il va défendre déjà contre, contre Bobby Roode. Voilà, je le dis, vu que de toute façon, le match sera déjà passé. Pour après, il défend toutes les semaines déjà. C'est vrai, son titre. Donc après tout, on va voir. Et donc ça, c'est vraiment pas mal, hein, pour établir un bon champion face. Le voir le défendre toutes les semaines, c'est une bonne idée. Effectivement, oui. Mais on verra. Il faut mieux le défendre toutes les semaines que ne pas le défendre comme un petit peu c'était le cas à une époque pour d'autres ceintures. Oui. Ah ouais. Le titre télévision, où es-tu? ouais. Bon, enfin. Bon, mais je crois qu'on va passer aux notes si tout est dit. Ah si, à part le public, il m'a énervé. Il a pas donné une assez bonne pop à Eric Young. Voilà. C'est dit. Ben, voilà. À part sur le moment où il chante Super Eric, là c'était bon. Mais c'est vrai que c'était assez fade sur une bonne partie du match. Ouais, voilà. Mais ils sont réveillés à la fin, donc c'était bon. Tout à fait. Bon, on va passer aux notes. Alors, si vous... Bon, moi déjà, note extra concours, le public 0, moins 2 même. Voilà, ça c'est fait. Sur 1, même pas sur 10. Mais sinon, plus sérieusement sur 10, la note du pay-per-view de Sébastien. Je sais pas, je vais mettre un petit 5. Bon, je sais pas si je suis généreux ou pas, je verrai en fonction de vos notes, mais ça ne mérite pas beaucoup plus et ça ne mérite pas non plus beaucoup moins parce que quand même il y a quand même de l'action solide tout au long du pay-per-view. Après, il y a certes des fins de match qui nous gênent sur deux ou trois rencontres. Mais globalement, sans être exceptionnel, ça reste correct. Hein, donc je mets le 5. 5 sur 10, oui. Oui, sur 10, oui, donc c'est la moyenne, c'est bien. Non, mais c'est bien, ouais, tout à fait. Ouais, j'ai eu un peu peur en entendant 5, parce que... ben, je crois que c'était déjà la dernière fois que c'était pour un pay-per-view, vous m'aviez fait peur, donc... Non, non, mais là, voyons, là, est-ce que t'as noté mieux que Seb ou pas, ou pareil, ou... Ben, moi j'aurais donné 6, donc oui, à peu près. C'est un bon pay-per-view transition. Il fait ce qu'on lui demande et pas plus. Ouais, bon, ben, moi, je mets 5, parce que c'est un pay-per-view entre deux eaux, parce que, d'ailleurs, pour moi, c'est pas vraiment un pay-per-view, il n'y a pas d'enjeu énorme, même si les quatre titres sont en jeu, même s'il y a deux changements de titre, pour moi, il n'y a pas d'enjeu, tout était clair. Il y a des différences de niveau énormes dans la première partie, ça, bon, déjà dit, évidemment. Le public merdeux, celui-là, au moins, bah, je le compte pas dans la note, sinon, ça descend à 3. C'est énervant ce public, franchement. Il m'énerve. Elle est pas finie. Enfin, bref. Bon, au moins au prochain pay-per-view, ils seront dans. Je sais pas si c'est positif de dire dans le Texas, parce que là aussi, c'est pas un grand public de catch en réalité. Mais bon, au moins, difficile de faire pire que ce public. Oh, donc après tout. Mais c'est un public qui les voit moins souvent, donc ça sera pas mauvais normalement. Oui, en plus, dans un universitaire, on peut toujours espérer plus de bruit, ils sont plus enthousiastes, les étudiants, donc, voilà. ouais, non, mais oui, non, 5, c'est bien. Une réaction auditrice avec une nouvelle fan, Flora Ibe, qui s'est inscrite récemment sur le Facebook de Westos Radio, c'est très très bien, merci à elle de nous suivre, le show lui a beaucoup plu, elle a particulièrement aimé le Samuel Show contre Anderson, mais le match de la soirée, pour elle, Gunner contre James Storm. Voilà, c'était ce qui suivait. Effectivement, ouais, comme tu le dis, Seb, écoutez, c'est sûr que là, on peut comparer avec le foot. Je sais pas, il y a des effectifs pléthoriques. Imaginez que, par exemple, voilà, il y avait Austin Harris, on ne sait pas trop sa situation actuelle. Kazarian, on ne sait pas sa situation actuelle, sachant que Christopher Daniels s'est quitté officiellement à TNA, donc lui, il est un petit peu entre deux eaux. Donc prochainement, il y aura Kazarian, il va apparaître en solo pour jobber. C'est un petit peu malheureux, sachant son passé. Samoa Joe qui est en convalescence, Kenny King qui est de retour. Bobby Lashley, bon ben on l'a vu débarquer en grande pompe entre guillemets à Lockdown et depuis plus rien. Et ouais non c'est vrai que Joe tout compte fait, oui il a des problèmes privés malheureusement, oui peut-être qu'il était destiné à être champion à la place d'Eric Young et au départ hein, c'était Eric Young était entre guillemets, c'est vrai que je dis ça, ouais voilà, peut-être. Mais ouais non mais c'est vrai, Chris Sabin malheureusement aussi a officiellement quitté la TNA il y a peu, il faut du renouvellement hein, donc retour de Nux avec deux catcheurs, une catcheuse, l'arrivée de l'ancien. Il y a encore Manic qui traîne quelque part en. Ouais. Ah oui, Manic, putain, là, Oui, ouais. Totalement oublié, lui. lui, il est toujours Depuis Lockdown, on ne le voit plus. ça, oui, voilà, ouais. Donc voilà. Je dis vite la note quand même, parce que j'ai pas dit tout à l'heure. 5,33, donc c'est pas si mal pour un peu de la tienne, ça s'en sort bien quand même. Lockdown avait reçu une très bonne note, il me semble, donc on redescend. C'est logique, c'est clair. Ouais, c'est logique, ouais. Parce qu'il y avait moins d'enjeux, et puis Il faut j'ai bien des pas de petits rêve pas. pay-per-view transition. Comme ça. Ah oui. Même si Mais comme la TNA en a plus que 4, ils peuvent plus trop se permettre de faire des petits comme ça, à mon avis. Ah, Donc, mais ils augmentent, ils soit augmentent. ils en ramènent plus, soit tous leurs pay-per-view doivent être exceptionnels. Par contre, je crois qu'il y a le Il est prochain là. One Night Only qui va sortir très prochainement. Parce que en mai, il n'y a pas de pay-per-view, donc il faut le sortir. Le premier du mois, le premier vendredi du mois, donc c'est-à-dire le 2 mai. Non, c'est le 9 mai, ça a été annoncé, ouais, Ah, effectivement. c'est le 9 J'ai vu mai. ça. Le 9 mai, oui. Oui, bah oui, bizarrement. Ils disent le premier vendredi du mois, mais non, c'est le deuxième. Quel est ce One Night Only? On vous renseignera. Voilà. Oh, bah, il y a le choix entre deux, hein. Il y a le choix entre celui Extravaganza et puis le World Cup. Y a encore des shows qui ont été enregistrés C'est en Angleterre. Ah oui, ceux de Jokers Wild l'Angleterre, oui. 2 normalement. Ah ouais, Joker d'accord. Wild, Ouais, bah c'est ouais. pas le plus enthousiasmant. D'accord, bon. Il y en a même encore un qui a été enregistré au Japon qui va diffuser hein, prochainement. Ah, celui-là, il est très bon hein, sur le papier, donc j'aimerais le voir, effectivement. Bon, on vous parlera peut-être un petit peu des One Night Only, mais c'est toujours très compliqué, parce que c'est le truc très enregistré, donc où les situer réellement, sachant qu'en plus, les derniers One Night Only qu'on a eu en vidéo, on les a eu avant même que la TNN les diffuse, alors c'est plus trop... Oh, comment faire là? Déjà le système de chaque premier vendredi du mois il est déjà cuit depuis un moment donc je sais pas trop ça. C'est couillon hein, ce système mais bon. Au moins la qualité semble augmenter donc c'est déjà pas mal. après la bonne fin d'année là dont on a évoqué tout à l'heure. Voilà. Bon, mais moi je reste toujours sur le qui-vive à Elatine. C'est vrai quand tu dis Showtime à Elatine, on sait jamais est-ce que c'est la fin. C'est vrai qu'à chaque fois, comme Eric Young le disait lors d'une interview, on dit tout le temps chaque année que ils vont couler, ah ouais. Ils sont toujours là, mais ils ont même des contrats là dernièrement encore signés avec d'autres télés. Ils étendent avec l'Italie cette fois, donc qui s'ajoute à beaucoup d'autres pays. Donc c'est bizarre. Ils arrivent à survivre, on sait pas trop comment souvent, mais ils y arrivent. Donc Là, ça fait 12 ans qu'on annonce leur mort imminente, donc espérons que ça dure encore 12 ans. effectivement, oui, non, mais ah bah oui, surtout S-Anniversary, oui, effectivement. Bah S-Anniversary, c'est l'anniversaire de la TNA, donc où on connaîtra le prochain Hall of Famer, donc à suivre. Bah C'est sûr qu'il y en aura un cette année? ouais, ça a été annoncé. Ouais. Sinon, on va passer un petit top 20 là que de Showtime. Et comme les places 10 à 1 ne sont pas encore sorties sur Catch Asylum, Suspense. vous serez les premiers à les avoir. Eh oui. Ah, une exclue. Petite exclue pour les auditeurs. Ah. Donc, allons-y. Donc, le sujet cette fois-ci, c'est le top 20 des WWE Rejects qui ont réussi à la TNA. Donc, la définition, c'est des lutteurs dont la WWE n'avait plus envie ou ne voyait plus comme utile pour la compagnie et qui sont donc passés à la TNA et que la TNA a récupéré et en a sorti quelque chose de beaucoup mieux que ce qu'on aurait pu croire. Donc, en 20, j'avais le Pope, D'Angelo Di Nero, qui était connu sous le nom d'Elijah Burke à la ECW de la WWE. Vous voulez élaborer ou je fais la liste et puis on en Non, non, parle? vas-y, ouais, fais la liste. Ouais. Donc en 19, j'ai Wino. Ah oui. En 18 C'est et lui qui a accompagné 17, notamment Edge et Christian au début des années 2000, ouais. Notamment, hein, je dis ça. Voilà. Avec son gore, gore, gore. Voilà. exactement. En 18 et 17, j'ai Brooke Tessmacher et Taryn Terrell. Ah, Brooke était à Ensuite, la WWE? oui, Brooke était à la Ah oui. WWE en tant que eye Go-go candy. danseuse. Voilà. Ah, mais j'ai pas assez vu ses fesses, c'est pour ça. Oui, à l'époque, des petites fusées de Kelly Kelly, Ah, tu les d'accord. aurais remarquées, hein. Ah oui. En 16, j'ai l'actuel General Manager de la TNA, MVP. J'élabore plus en détail sur Catch Asylum, donc si vous voulez mes raisonnements, vous pouvez les retrouver là. En 15, j'ai Tyson Tomko, l'ancien garde du corps d'AJ Styles. Et puis il y a la WWE là quand même. Ah oui, de Christian. Christian, ouais. Travis Tomko, oui, pardon. Oui, il était dans la Christian's Coalition. En 14, j'ai Mickie James. Enchaîne championne féminine, elle a cumulé les titres entre les deux, donc oui. Tout à fait. En 13, j'ai le nouveau venu Ethan Carter 3. Oh oui, Derrick Batman, oui, c'est sûr qu'à la WWE, il n'a pas eu un grand rôle. Ouais. En 12, j'ai Kevin Nash. Revenu à la WWE depuis d'ailleurs, contre la légende, donc ouais. En 11, j'ai Devon Dudley, Ouais, ça qui va était... avec Bully Ray, ou Bully Ray, je pense qu'il est un peu plus devant la liste, non? Non, Bully Ray, il serait un peu plus devant, Ah voilà, effectivement. Donc, on en passe à la partie exclusive, qui n'est pas Ah, encore attention. sortie. Breaking. On est au top 10, qui est exclusif à Wrestles pour l'instant. Pourquoi je dis Wrestles, moi, et pas Wrestles? Donc, j'y arrive. Donc, en numéro 10, j'ai la légende de la ECW, j'ai nommé Waven, qui a été Ah oui, il a été écarté de la champion. WWE et qui a été champion du monde à la TNA après. En numéro 9, j'ai une charmante demoiselle, Mademoiselle Tara. Ah oui, Victoria à la WWE, ouais. Tout à fait. Juste devant elle, j'ai mon numéro 7. Je suis passé de 9 à 7 là. Non, c'est pas correct. T'as J'ai mon le mix de numéro chiffres 8. maléfiques et qui sait, je sais pas. J'ai mon numéro 8, Matt Morgan, Ah le oui, bon, géant. il n'a pas eu une Exact. énorme carrière à WWE, mais beaucoup plus à TNA. Ouais. Tout à fait. Il laissera des regrets pour ma part. J'aurais aimé le voir un peu plus à la TNA, enfin dans un rôle plus important, mais bon. Champion, il n'a jamais été. Ouais. Idem. Et champion. Idem, idem. En numéro 7, enfin, J'ai Boda Ray ou Bully Ray ou Raven Dudley. Oui, il y a du vinant. Donc. Mais ouais, effectivement, ouais, avec Divonne, record de plus de 20 fois, 26 fois, je crois, champion par équipe entre la TNA et la WWE. À l'ICW, évidemment. Et puis, évidemment, avec un bonus, lui, champion, il a été champion. Ouais, il a un très très bon passage en solo pour l'instant. Ouais. Et ouais. Il est complètement over, je croyais. J'aurais jamais cru que ça passerait tellement bien en solo. Honnêtement. C'est clair. Ah oui, tout le monde, j'avoue. Ici aussi. Ouais. En numéro 6, la lutteuse dans la position la plus élevée dans ce classement, qui a été relâchée deux fois par la WWE qui ne croyait pas en elle. Je vois qui c'est. Une fois en 2003 ou 2004, si je me souviens bien. La splendeur de Toronto. Il y a quelques années. Exactement. Il s'agit de Gail Kim. Ah oui. Qui a été abandonnée par la WWE en 2004, donc, avant d'aller exploser à la TNA littéralement avec sa feud historique avec Awesome Kong. Ah oui, c'est jamais. C'est quand même, oui, la feud bâtisseuse de la division Knockout, donc, ouais. Première championne féminine de l'histoire de la TNA, hein. Tout à fait. Et encore une fois, en 2010, 11, je sais plus, relâchée par la WWE et retour maison. Ça a très bien marché une nouvelle fois. Le numéro 5 a été plusieurs fois champion intercontinental à la WWE. Il a eu une très belle carrière à la WCW et à la WWE avant d'arriver à la TNA. Est-ce que vous trouverez qui c'est? 6 fois champion intercontinental, c'est ça? Ouais. Bah, il est revenu à AEW maintenant. Ah non. Ah non, c'est pas lui? Ah d'accord. Je croyais que c'était RVD. Il s'agit de Jeff Jarrett. Ah oui, ou purée. C'est vrai, bordel. Ah oui. Mais il est plus à la AEW, là, il fait sa fédération maintenant. Ah oui, c'est pour ça, ça m'embête. Ouais, ouais, mais il a quand même bien réussi à la TNA, hein. Ah oui, oh, bah oui, effectivement. Qu'est-ce qui monopolisait le titre au début? Waouh. Puis c'est quand même celui qui a repris un petit peu la TNA, donc ouais, à une époque. La WWE n'en voulait plus, il a dit, pas de problème. Ah oui, bah oui, d'ailleurs, Aeronaut, créer ma propre fédération. On avait beaucoup parlé que c'était un personnage qui était trop vieillot dans le paraître, donc c'est pour ça. Et pourtant, ça a bien marché, cette petite fédération. Enfin bref. En numéro 4. Attends, je dis juste un truc à Renault, oui, il a précisé. Il a bien précisé Showtime qu'il a fait WCW. Rendons à la WCW ce qu'elle a eu. Pardon, vas-y, tu peux y aller. Pardon, hein, ce Renault, il est toujours très WCW, faut faire le point. Il est passé par la WWF aussi. Hein, donc. Ah oui, bah oui. Pas voilà. Une carrière hyper marquante là-bas, mais oui. Ah oui, mais c'est un peu le principe de ceci. Donc. Ouais, il se faisait battre par China, oui, voilà. Donc, en numéro 4... Un des actuels blessés à long terme et à répétition de la WWE, mais qui est passé à la TNA pour un run exceptionnel, qui est revenu à Slammiversary il y a 2 ans. J'ai nommé Christian. Oh mon Christian. J'avoue que tu l'aurais pas cité dans la liste, je t'aurais éventré donc. Ah non, mais Christian, alors là, si vous suivez le podcast, que ça soit Doudou ou TNA du passé, moi, Christian, c'est mon idole. C'est mon idole. Alors là, j'ai Christian, oulala. Le summum! Voilà. Je l'aurais mis en toute objectivité. Et il a fait un excellent passage à la TNA. Je crois que, franchement, Ça a dû être un de ses meilleurs passages de sa carrière, même si Edge et Christian, c'était exceptionnel. À la TNA, c'était vraiment... Il a eu très très peu de mauvais booking, ce gars-là. Ah oui, non, mais jamais un catcheur n'aura autant marqué une fédération durant son passage que Christian. Voilà. Tout à fait. Et c'était en seulement 2 ou 3 ans dans la fédération qu'il a réussi tout ce qu'il a fait. Donc, chapeau l'artiste. Alors que la WWE le croyait terminé, le croyait fini. Donc, bien joué. Donc, nous arrivons maintenant au podium. En numéro 3, il vient de Green Bay dans le Wisconsin. Je vais pas hurler parce que mes voisins dorment, mais il s'agit de Mr. Anderson, qui était connu sous le nom de Mr. Kennedy à la WWE, qui a eu une altercation avec une diva et la diva a gueulé auprès de la direction. Kennedy s'est fait virer. Il a loué contact avec Hogan. Il est arrivé à la TNA et il a vraiment réussi à peu près tout ce qu'il a essayé. Deux fois champion du monde. Bon petit run. Ouais, même si la diva, elle avait quelques poils. Ah non, peut-être pas, mais... Ah non, non, non. Une petite barbe qui a du mal à pousser, mais c'est tout. Randy Orton, évidemment, pour ne pas le citer. Un peu surpris que Anderson soit si haut pour ma part. Mais... Ah, moi aussi, c'est vrai que comme il n'a pas eu des titres, je l'aurais vu un petit peu faire des titres. Il a... Oui, j'ai hésité à le mettre en cinquième, mais c'est très serré entre les cinq premiers. Enfin, les deux premiers se dégagent quand même beaucoup. Oui, mais... les deux premiers, je crois que c'est troisième à la cinquième. Tout à l'heure, honnêtement, mais bon. Donc, en numéro 2, j'ai le gars qui s'amuse pour l'instant le plus, toute fédération confondue à mon avis, parce qu'il peut faire ce qu'il veut avec ses gimmicks. Je parle évidemment de Jeff Hardy, qui, un peu dans une situation similaire à Gail Kim, s'est fait dégager deux fois de la WWE pour aller à la TNA. En même temps, hein, la drogue. Ah oui, mais pour une fois que la TNA réussit à bien gérer les problèmes d'un lutteur par rapport aux autres, parce que même si, ouais, il même a bien si, déconné, même mais... Si. Même si, même si, la, suite à l'affaire de sa drogue, là, sa fameuse affaire de, voilà, enfin bref, j'ai présenté Hall, un pay-per-view, ben, ouais. C'est la doudoule qui a payé sa désintox en réalité. Donc, ouais, mais c'est... tout de même, il y a une assiste. Ça a quand même bien été géré de ne pas le virer. Oui, et puis c'est bien aussi de lui permettre d'user la drogue tout en catchant. Parce que Willow, oh, c'est une boutade. Parce que honnêtement, je respecte beaucoup, hein. C'est plus une pensée pour Gus qui arrête pas de faire référence à ça. Donc mais il est revenu à un sacré bon niveau. Il est dans une shape qu'il a plus depuis des années. Ah oui, bah 2012, il est revenu en très grande forme fin 2012, et donc il n'y a rien à dire là. Voilà. Et le numéro 1, c'est absolument une surprise pour personne. Voilà, il bon, s'agit sur ce. Bien évidemment. De Val Venis. Voilà. Oh bah oui, un grand bonhomme. Hein. Son, attends, son magnifique ça serviette, match, la Genesis contre Tristan Hills, c'était... Bon allez, plus sérieusement, bien sûr. Hein. Plus sérieusement, bien sûr, le seul médaillé d'or olympique dans le catch professionnel, celui bien évidemment de Kurt Angle, un main eventer affirmé de la WWE, qui voulait prendre un peu de repos. Vince lui a dit non. Tu es un main eventer de la WWE, tu fais tous les house shows, tu fais 300 dates par jour, Oui, c'est ça que Angle a toujours dit, et puis ça peut se comprendre, c'est sûr que il voulait plus, enfin, il en avait assez, c'est sûr qu'après, en plus, il a mené une vie de famille, on le sait, un peu tourmenté, d'abord avec Karen, et puis ensuite, là, maintenant, une vie plus stable avec Giovanna, donc, voilà. Pour le petit côté personnel. Mais, voilà, c'est sûr que ça l'arrange beaucoup plus à la TNA, on peut le comprendre. Ouais. La et plus grosse acquisition de l'histoire de la TNA en 2006, hein. Donc voilà. Tout à fait. Et si je me rappelle bien, Kurt Angle, il doit être à la TNA maintenant, ça doit faire plus longtemps qu'il ne l'a été à la WWE. Ah bah 8 ans, donc c'est à voir, oui, sûrement. Et un exclu. Il y a quelques noms que je suis surpris de ne pas avoir retrouvé. Je pense par exemple à Booker T, encore Mick Foley qui a été champion du monde à la TNA, ou encore Rob Van Dam qui a été également champion du monde. Ça me surprend que tu les as pas cités. Mais Rob Van Dam, j'ai envie de ne jamais plus parler de son passage à la TNA. Ah bon? Ah, il a quand même été champion, hein, on ne peut pas lui enlever. Ah bah d'ailleurs, oui, là, mais... c'était lui qui faisait le main event de sacrifice il y a 2 ans contre Sting. Donc... Ouais. Exact. Et j'ai vraiment pas aimé son run. Et Booker T a eu un run pas mal, effectivement. Attardif. Je l'ai mis dans... J'ai mis dans mes mentions, j'avais mis Van Damme lol, parce que j'avais pas envie de le citer. J'avais mis, Brian Kendrick, parce que même s'il a pas fait énormément sur le ring, en backstage, c'est lui qui a sauvé la X-Division. Ça, c'est une longue histoire. Et j'avais mis effectivement Booker T et Scott Steiner. Et okay. Mick Foley. Donc la main event mafia y était bien. D'accord. Et merci Showtime pour cette exclu, et puis on va suivez bien sur Catch Asylum le forum, donc Catch plus loin Asylum, alors ASYLUM, pardon. Vous savez, mon accent ça peut toujours un petit peu confondre, ça rend pas forcément bien à l'écrit là ce que je dis des fois, donc autant épeler parfois. Ensuite, il y a Vox Catch où j'ai fait la review de Tien et Sacrifice. J'ai pas été hyper tendre. J'ai bien aimé, mon public adoré. Et FN Lutte, la Wrestling Evolution League, qui a fait donc son WrestleMania 6. Le Révolte à la radio de Kevin. Le Ultimate Catch, si je me trompe pas. Oui, Instant Catch. ensuite, vous pouvez nous suivre sur donc Facebook. Tout à l'heure, j'en avais parlé. Donc, très très bien. Merci aux nouveaux venus et à leurs réactions. Et donc, bah, vous pouvez aussi nous écrire sur Twitter, nous suivre, parce qu'il y a, il y a aussi le même fil d'informations sur Twitter. Vous pouvez nous écouter sur YouTube Archive, iTunes, et nous écrire sur à l'adresse mail westosradio@gmail.com, tout attaché en minuscule. Alors, les prochains rendez-vous, ce sera la semaine prochaine, dans 7 jours exactement, ce sera Late Night Wrestles Extreme Rules, donc qui aura lieu ce dimanche. Donc on en parlera le 8 mai. Bon, d'ici là, n'hésitez pas à réagir sur le pay-per-view, vous serez cité. Et puis donc le lendemain, le podcast sortira, ce sera le 9 mai. N'hésitez pas à réagir à ce numéro, bien sûr, sur les réseaux sociaux d'Impact Wrestle, sur les réseaux sociaux, sur le forum Wrestles, bien sûr, et puis sur nos forums aussi partenaires, sur Catch As You, n'hésitez pas aussi à réagir, bien sûr, à la prestation de Showtime, si vous voulez, par exemple. Il y aura l'interview de catcheur français Roméo, qui sera faite par Sébastien, plusieurs membres de l'équipe. Mais cette Dream Team vous sera dévoilée lors de l'interview, bien sûr, secret, toujours à en garder. Et vous pourrez écouter ça aux alentours du 15 mai, la date vous sera précisée. Ensuite, on aura sans doute, il y aura un Late Night Wrestle sur Payback, avant de retrouver la TNA avec l'Impact Wrestle Anniversary qui aura lieu le 15 juin. Donc d'ici là, forcément, il y aura eu pas mal d'actualités à se mettre sous la dent. Donc il y aura du contenu aux alentours du 20 juin, voilà pour le petit calendrier. Et puis on va pas aller plus loin sur les dates, parce que ça en fait Et déjà beaucoup. Faut pas vous paumer. tu oublies même le podcast sur NXT. Oh oui, j'ai dit une bêtise, c'est vrai. Autant pour moi, merci de. Oui. Tout début juin, il y aura le podcast Next Gen Wrestle sur NXT. Mais pour revenir à Tiené, on espère que vous avez apprécié ce numéro. Et puis on vous dit à la prochaine fois pour cet anniversaire. Le theme song de fin de podcast, ça va de soi, ce sera celui d'Eric Young, bien sûr. Et merci Showtime, merci Seb, et à la prochaine. D'ici là, on vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, une bonne journée, faire n'importe, et portez-vous bien. À ciao. Ciao.